Chapitre 3. Partie historique de la peinture chez les modernes. La Grèce raconte qu'une jeune fille, apercevant l'ombre de son amant sur un mur, dessina les contours de cette ombre. Ainsi, selon l'Antiquité, une passion volage produisait l'art des plus parfaites illusions. L'école chrétienne a cherché un autre maître. Elle le reconnaît dans cet artiste qui, pétrissant un peu de limon entre ses mains puissantes, prononça ces paroles « Faisons l'homme à notre image ». Donc, pour nous, le premier trait du dessin a existé dans l'idée éternelle de Dieu. Et la première statue que vit le monde fut cette fameuse argile animée du souffle du Créateur. Il y a une force d'erreur qui contraint au silence, comme la force de vérité. L'une et l'autre, poussées au dernier degré, emportent conviction, la première négativement, la seconde affirmativement. Ainsi, lorsqu'on entend soutenir que le christianisme est l'ennemi des arts, on demeure muet d'étonnement, car à l'instant même, on ne peut s'empêcher de se rappeler Michel-Ange, Raphaël, Caracci, Dominique, Le Sueur, Poussin, Coustou et tant d'autres artistes dont les seuls noms rempliraient des volumes. Vers le milieu du IVe siècle, l'Empire romain, envahi par les barbares et déchiré par l'hérésie, tomba en ruine de toutes parts. Les arts ne trouvèrent plus de retraite qu'auprès des chrétiens et des empereurs orthodoxes. Théodose, par une loi spéciale, De excusatione artificium, déchargea les peintres et leurs familles de tout tribut et du logement d'hommes de guerre. Les pères de l'Église ne tarissent point sur les éloges qu'ils donnent à la peinture. Saint Grégoire s'exprime d'une manière remarquable. « Vidi saepius inscriptionis imaginem, et sine lacrimis transire non potui, cum tam efficaciter ob oculos poneret historiam. » C'était un tableau représentant le sacrifice d'Abraham. Saint Basile va plus loin, car il assure que les peintres font autant par leur tableau que les orateurs par leur éloquence. Un moine, nommé Méthodius, peignit dans le 8e siècle ce « Jugement dernier » qui convertit Bogoris, roi des Bulgares. Les prêtres avaient rassemblé au collège de l'orthodoxie à Constantinople la plus belle bibliothèque du monde et les chefs-d'œuvre des arts. On y voyait en particulier la Vénus de Praxitèle, ce qui prouve au moins que les fondateurs du culte catholique n'étaient pas des barbares sans goût, des moines bigots livrés à une absurde superstition. Ce collège fut dévasté par les empereurs iconoclastes. Les professeurs furent brûlés vifs, et ce ne fut qu'au péril de leurs jours que des chrétiens parvinrent à sauver la peau de dragon de 120 pieds de longueur où les œuvres d'Homère étaient écrites en lettres d'or. On livra aux flammes les tableaux des églises. De stupides et furieux hérésiarques, assez semblables aux puritains de Cromwell, hachèrent à coups de sabre les mosaïques de l'église de Notre-Dame de Constantinople et du palais des Blacernes. Les persécutions furent poussées si loin qu'elles enveloppèrent les peintres eux-mêmes. On leur défendit, sous peine de mort, de continuer leurs études. Le moine Lazare eut le courage d'être le martyr de son art. Ce fut en vain que Théophile lui fit brûler les mains pour l'empêcher de tenir le pinceau. Caché dans le souterrain de l'église de Saint-Jean-Baptiste, le religieux peignit avec ses doigts mutilés le grand saint dont il était le suppliant, digne sans doute de devenir le patron des peintres et d'être reconnu de cette famille sublime que le souffle de l'esprit ravit au-dessus des hommes. Sous l'empire des Goths et des Lombards, le christianisme continua de tendre une main secourable au talent. Ses efforts se remarquent surtout dans les églises bâties par Théodoric, Luyprand et Didier. Le même esprit de religion inspira Charlemagne, et l'église des apôtres, élevée par ce grand prince à Florence, passe encore même aujourd'hui pour un assez beau monument. Enfin, vers le XIIIe siècle, la religion chrétienne, après avoir lutté contre 1000 obstacles, ramena en triomphe le cœur des muses sur la terre. Tout se fit pour les églises et par la protection des pontifes et des princes religieux. Boucher, grec d'origine, fut le premier architecte, Nicolas, le premier sculpteur, et Cimabue, le premier peintre, qui tirèrent le goût antique des ruines de Rome et de la Grèce. Depuis ce temps, les arts, entre diverses mains et par divers génies, parvinrent jusqu'à ce siècle de Léon X, où éclatèrent comme des soleils Raphaël et Michel-Ange. On sent qu'il n'est pas de notre sujet de faire l'histoire complète de l'art. Tout ce que nous devons montrer, c'est en quoi le christianisme est plus favorable à la peinture qu'une autre religion. Or, il est aisé de prouver trois choses. Premièrement, que la religion chrétienne, étant d'une nature spirituelle et mystique, fournit à la peinture un beau idéal, plus parfait et plus divin que celui qui naît d'un culte matériel. Deuxièmement, que, corrigeant la laideur des passions ou les combattant avec force, elle donne des tons plus sublimes à la figure humaine et fait mieux sentir l'âme dans les muscles et les liens de la matière. Troisièmement, enfin, qu'elle a fourni aux arts des sujets plus beaux, plus riches, plus dramatiques, plus touchants que les sujets mythologiques. Les deux premières propositions ont été amplement développées dans notre examen de la poésie. Nous ne nous occuperons donc que de la troisième. Chapitre 4. Des sujets de tableaux. Vérité fondamentale. Premièrement, les sujets antiques sont restés sous la main des peintres modernes. Ainsi, avec les scènes mythologiques, ils ont de plus les scènes chrétiennes. Deuxièmement, ce qui prouve que le christianisme parle plus au génie que la fable, c'est qu'en général, nos grands peintres ont mieux réussi dans les fonds sacrés que dans les fonds profanes. Troisièmement, les costumes modernes conviennent peu aux arts d'imitation. Mais le culte catholique a fourni à la peinture des costumes aussi nobles que ceux de l'Antiquité. Pausanias, Pline et Plutarque nous ont conservé la description des tableaux de l'école grecque. Zeuxis avait pris pour sujet de ses trois principaux ouvrages Pénélope, Hélène et l'amour. Polygnote avait figuré sur les murs du temple de Delphes le sac de Troie et la descente d'Ulysse aux enfers. Euphanor peignit les 12 dieux, Thésée donnant des lois et les batailles de Cadmée, de Leuctre et de Mantinée. Appel représenta Vénus Anadyomène sous les traits de Campaspe. Étion, les noces d'Alexandre et de Roxane, et Timante, le sacrifice d'Iphigénie. Rapprochez ces sujets des sujets chrétiens, et vous en sentirez l'infériorité. Le sacrifice d'Abraham, par exemple, est aussi touchant et d'un goût plus simple que celui d'Iphigénie. Il n'y a là ni soldats, ni groupe, ni tumulte, ni ce mouvement qui sert à distraire de la scène. C'est le sommet d'une montagne, c'est un patriarche qui compte ses années par siècle. C'est un couteau levé sur un fils unique. C'est le bras de Dieu arrêtant le bras paternel. Les histoires de l'Ancien Testament ont rempli nos temples de pareils tableaux. Et l'on sait combien les mœurs patriarcales, les costumes de l'Orient, la grande nature des animaux et des solitudes de l'Asie sont favorables au pinceau. Le Nouveau Testament change le génie de la peinture. Sans lui rien ôter de sa sublimité, il lui donne plus de tendresse. Qui n'a 100 fois admiré les nativités, les vierges et l'enfant, les fuites dans le désert, les couronnements d'épines, les sacrements, les missions des apôtres, les descentes de croix, les femmes au Saint-Sépulcre, des bacchanales, des fêtes de Vénus, des raptes, des métamorphoses, peuvent-ils toucher le cœur comme les tableaux tirés de l'Écriture? Le christianisme nous montre partout la vertu et l'infortune. Le polythéisme est un culte de crime et de prospérité. Notre religion à nous, c'est notre histoire. C'est pour nous que tant de spectacles tragiques ont été donnés au monde. Nous sommes partis dans les scènes que le pinceau nous étale, et les accords les plus moraux et les plus touchants se reproduisent dans les sujets chrétiens. Soyez à jamais glorifiés, religion de Jésus-Christ, vous qui aviez représenté au Louvre le roi des rois crucifié, le jugement dernier au plafond de la salle de nos juges, une résurrection à l'hôpital général et la naissance du Sauveur à la maison de ces orphelins délaissés de leurs pères et de leurs mères. Au reste, nous pouvons dire ici des sujets de tableaux ce que nous avons dit ailleurs des sujets de poèmes. Le christianisme a fait naître pour le peintre une partie dramatique très supérieure à celle de la mythologie. C'est aussi la religion qui nous a donné les Claudes le Lorrain, comme elle nous a fourni les Delille et les Saint-Lambert. Mais tant de raisonnements sont inutiles. Parcourez la galerie du Louvre et dites encore, si vous le pouvez, que le génie du christianisme est peu favorable aux beaux-arts. Chapitre 5. Sculpture. À quelques différences près, qui tiennent à la partie technique de l'art, ce que nous avons dit de la peinture s'applique également à la sculpture. La statue de Moïse par Michel-Ange à Rome, Adam et Ève par Baccio à Florence, le groupe du vœu de Louis XIII par Coustou à Paris, le Saint-Denis du même, le tombeau du cardinal de Richelieu, ouvrage du double génie de Lebrun et de Girardon, le monument de Colbert, exécuté d'après le dessin de Lebrun, par Coysevox et Tubi, le Christ, la Mère de Pitié, les huit apôtres de Bouchardon et plusieurs autres statues du genre pieux montrent que le christianisme ne saurait pas moins animer le marbre que la toile. Cependant, il est à désirer que les sculpteurs bannissent à l'avenir de leurs compositions funèbres ces squelettes qu'ils ont placés au monument. Ce n'est point là le génie du christianisme qui peint le trépas si beau pour le juste. Il faut également éviter de représenter des cadavres, quel que soit d'ailleurs le mérite de l'exécution, ou l'humanité succombant sous de longues infirmités. Un guerrier expirant au champ d'honneur dans la force de l'âge peut être superbe, mais un corps usé de maladie est une image que les arts repoussent, à moins qu'il ne s'y mêle un miracle, comme dans le tableau de saint Charles Borromée. Qu'on place donc au monument d'un chrétien, d'un côté les pleurs de la famille et les regrets des hommes, de l'autre le sourire de l'espérance et les joies célestes. Un tel sépulcre, des deux bords duquel on verrait ainsi les scènes du temps et de l'éternité, serait admirable. La mort pourrait y paraître, mais sous les traits d'un ange, à la fois doux et sévère. Car le tombeau du juste doit toujours faire s'écrier avec saint Paul : « Ô mort, où est ta victoire ? Qu'as-tu fait de ton aiguillon ? »